Ce vendredi à la vie en BD, un regard sur le volet événementiel du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, toujours dans cette heure, dans ce 60 minutes consacré à l'univers du 9e art. Et évidemment, une période assez faste, on le comprend, avec le Festival de la bande dessinée francophone de Québec qui s'en vient. C'est la semaine prochaine. D'ailleurs, je le mentionne d'entrée de jeu, on aura le plaisir d'y être justement en direct du Salon du Livre à deux reprises vendredi prochain. Donc, une première diffusion en direct de 11h à midi, une rediffusion ensuite si vous aurez... Vous n'aviez pas eu l'occasion de la syntoniser au fil de l'émission à nos heures habituelles, donc de 17h30 à 18h30. Et on aura l'occasion d'avoir trois longues discussions avec trois auteurs invités du festival. Il s'agit de Tom Gold, auteur de Goliath et de Vous êtes tous jaloux de mon jetpack. Également, rencontre avec Emmanuel Lepage et aussi Benoît Ferroumont. Alors voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. Pour cette semaine, je le disais tout à l'heure, on se consacre presque entièrement à ce volet événementiel, à ces spectacles, à ces métissages qui sont proposés au fil du festival. Donc plusieurs soirées du côté du Petit Champlain, du côté du Musée de la Civilisation, du Musée des Beaux-Arts principalement, et plusieurs offres qui vous seront faites donc au fil de ces jours. Alors notamment, on va parler de ce spectacle qui s'appelle Conte à Bulles, donc Yolaine qui sera de passage pour nous présenter ce métissage entre conte, dessin et musique. On parlera également avec Jean-Philippe Bergeron autour d'un spectacle qui s'appelle Parole de planche, qui propose une lecture en direct de bande dessinée, donc axée sur les textes de la BD plutôt que sur les dessins et les textes. On verra de quoi il s'agit également tout à l'heure. Évidemment, comme à chaque festival, il y a Michel Giguère qui propose lui-même une longue, dense et riche rencontre avec certains des invités. Cette année, c'est Emmanuel Lepage. Alors, on jasera un peu avec lui en fin d'émission pour savoir qu'est-ce qu'il va tenter de faire ressortir, qu'est-ce qu'il a retenu, lui, justement, de l'œuvre de Lepage. Et dans quelques instants, on aura le plaisir d'échanger avec Francis Dernay et Mel Lalancette de la formation Melvis and the Jive Cats au sujet de la fièvre des planches qui va enflammer le Grand Hall du Musée de la Civilisation vendredi 10 avril prochain. Dans l'actualité cette semaine, notamment Luz, qui avait échappé le 7 janvier 2015 à la tuerie de Charlie Hebdo parce qu'il est arrivé en retard, a terminé cette semaine Catharsis. C'est ce qu'il annonçait à Livre Hebdo, fort de 128 pages en noir et blanc et en couleur. Cet album de purification signé par, entre guillemets, un auteur qui revit, comprendra des planches BD et des petites nouvelles, donc qui sera en librairie le 21 mai prochain. Catharsis revient sur la manière dont le dessinateur a vécu ces événements traumatisants et la disparition de ses amis et collaborateurs, de même que leurs répercussions sur la vie privée. Autre nouvelle, le polar saisissant d'Altariba et Keko, Moi assassin, a séduit le jury du festival Lyonnais le week-end dernier, donc festival Quai des Polars de Lyon, qui a remis donc son prix BD Polar à Moi assassin, l'album des deux Espagnols publié chez De Noël, et on le rappelle, un polar fascinant dont le héros, un professeur d'histoire de l'art espagnol, élève l'assassinat sanglant au rang d'art. Il avait déjà remporté plusieurs prix, dont le Grand Prix de la critique ACBD 2015. Des nouvelles d'Astérix également, les Irréductibles Gaulois seront de retour le 22 octobre prochain dans un 36e album signé Ferry et Conrad. Deux ans après Astérix chez les Pictes, le 36e album des aventures du Petit Gaulois scénarisé par donc Jean-Yves Ferry et dessiné par Didier Conrad va s'intituler Le Papyrus de César. L'album se déroulera comme prévu en Gaule. Selon la tradition instaurée par Goscinny et Uderzo, les héros ne voyagent qu'en terre inconnue qu'un album sur deux, et pour le moment on n'en sait pas plus. Anne Goscinny a déclaré, et je cite, « Ce 36e album part d'une idée qui est à la fois un sujet d'aujourd'hui qui s'inscrit dans quelque chose qui est vraiment chères à Astérix. Et dernier, Nautule, contrairement à Hergé qui avait décidé que les aventures de Tintin prendraient fin à sa mort, Grégor Rosinski, lui, désire que Torgal lui survive. Le dessinateur polonais qui a créé la série avec le scénariste belge Jean Van Am en 1977 vient de déclarer à l'agence France-Presse qu'il ne voulait surtout pas abandonner Torgal, mais on n'est pas éternel. Donc, je cite, « Mon rêve, c'est d'inviter le maximum de gens maintenant ou après moi. Il y a des artistes bien plus forts que moi. » Donc, c'est ce qu'il a précisé. Alors, on verra maintenant qui en viendra en cours de route à remplacer Rosinski de manière officielle sur la série Torgal. Et toujours la vie en BD. Maintenant, on porte un regard donc sur des spectacles qui sont présentés au festival et notamment vendredi 10 avril au Musée de la Civilisation, un métissage entre swing, bande dessinée et musique. Et pour nous en parler, pour présenter ce spectacle, on est en compagnie de Mel Lalancette de la formation Melvis and the Jive Cats. Bonjour. Bonjour. Et du dessinateur Francis Dernay. Bonjour. Bonjour. Alors, un projet que j'ai le plaisir d'ailleurs, sur lequel j'ai le plaisir de travailler avec vous, notons-le dès le départ. Et d'emblée, si on retourne un peu en arrière, c'est la deuxième édition de ce concept-là. Et Francis, d'où était un peu venue l'idée au départ de faire une jonction entre le swing et la bande dessinée? Bon, au départ, moi, il faut savoir que je suis un amateur de swing, de danse swing. Ça faisait déjà quelques années qu'il y avait des concerts comme ça des concerts dessinés, en fait, qui jumelaient musique et dessin, fait en direct. Puis là, avec le festival, avec toi aussi, on s'est dit, on pourrait essayer de pousser ça plus loin, puis d'intégrer une autre discipline. Puis là, je me suis dit, avec le swing, ça pourrait très bien se marcher. Fait qu'on l'avait essayé l'année dernière, puis ça avait été un grand succès. Donc, cette année, on retente le coup, mais on modifie un peu on essaie pas de refaire la même chose, on essaie une autre, une variante, si on veut. Alors que l'année dernière, on essayait d'explorer un peu les liens entre dessin et danse. Cette année, on va plus se concentrer sur l'histoire. Donc, on va essayer de raconter une histoire. Moi, là, je parle vraiment pour la portion dessin, évidemment. On va essayer de s'inspirer de la musique et de la danse pour créer une histoire sous forme un peu de cadre avec ski. La danse un peu pour le mouvement, la musique pour son côté narratif? Oui, entre autres, mais aussi surtout pour le rythme et l'ambiance, pour l'époque aussi à laquelle ça nous amène, un peu tout ça. C'est une espèce d'imaginaire qui est le fun à dessiner puis qui est le fun à transmettre. Et au niveau du dessin, est-ce que ça va être abordé un peu à la façon d'un cadavre exquis ou il y a déjà une trame qui est tissée, qui est claire ou qui va s'éclaircir au fil de la semaine à venir? Ben, en fait, la trame de base est composée par la musique de Melvis. J'avais trouvé très drôle dans la qu'on préparait le spectacle, on me disait, les sujets des chansons, c'est des chansons d'amour. Et puis, c'est soit je te veux, je t'aime, je te veux, puis je te quitte. Ouais, grosso modo. Donc, c'est un peu là-dessus aussi qu'on va se baser pour faire ce cadre avec écrit-là. Et d'une certaine façon, Mel, la façon que cette liste, que les pièces qui ont été sélectionnées pour justement la portion spectacle de Melvis and the Jive Cats, ça a vraiment été orienté d'un point de vue narratif, dans le fond, d'un point de vue thématique, d'un point de vue stylistique? Oui, ça a été basé en partie un peu aussi en fonction de la danse, des performances qui vont être créées par rapport à ça avec l'école Porto Swing, mais toujours dans la thématique de la recherche de l'amour, la recherche de l'être aimé, l'espèce de situation d'ambiguïté entre les deux, d'inertie dans le fond, où on se trouve quand on est en recherche. Et enfin, elle va finir par trouver son prince, peut-être à la fin de la soirée. Et d'une certaine façon, en termes de dynamique de création, Mel, de ton côté, justement, tu travailles avec les dessinateurs, tu travailles avec les danseurs aussi. Comment ça se passe un peu, cette dynamique-là, qui est plus complexe qu'un spectacle standard, au bout du compte? Oui, mais c'est très positif dans l'ensemble, dans la mesure qu'on est tous des artistes. On a tous le but de créer un événement qui est concis, puis qui s'en va dans un... une ligne directrice qui est vraiment comme Swing and Love. Je participe beaucoup aussi à des concerts avec les danseurs, travailler qu'est-ce qu'ils veulent eux autres au niveau du rythme. On choisit les pièces en conséquence d'eux. Les dessinateurs vont créer par rapport à ça, donc ça va être un beau mélange. Et d'une certaine façon, en fait, ça vient justement enrichir le fait que c'est des collaborations qui sont déjà établies. Donc, Mel, comme tu disais, tu collabores déjà avec les danseurs. C'est un milieu que tu connais, c'est un univers qu'évidemment que tu explores depuis déjà plusieurs années. Francis, de ton côté, tu dessines, mais tu fais aussi de la danse. C'est un univers que tu as exploré pour La Fièvre des Planches, mais tu as exploré aussi en résidence de création au Musée de la Civilisation l'été dernier. Donc, c'est un peu dans la suite d'une longue démarche en ce qui te concerne, à tout le moins, Francis. Oui, tout à fait. Moi, j'ai encore d'autres idées par rapport qui mélangeraient swing et danse aussi de façon plus large et dessin. Puis en plus, je viens de l'animation, fait y a le côté mouvement aussi qui m'apporte beaucoup, qui m'interpelle beaucoup, puis de le rendre des fois de façon d'essayer de le rendre plus dans un contexte, on va dire, de bande dessinée où là c'est plus statique. Je trouve ça intéressant aussi d'essayer de voir de reproduire cette espèce d'énergie-là qu'il y a dans la danse. Oui, parce qu'effectivement, avec l'animation, de facto, il y a déjà du mouvement. Dans ce cas-ci, on va parler de dessin 2D, du dessin traditionnel. Donc, ça va être le défi d'avoir le côté narratif, mais de pouvoir justement aussi sentir à travers le dessin la frénésie de ce qui se passe en bas de l'écran. Ben, exactement. Et d'ailleurs, ce qui va se passer en bas de l'écran, donc c'est beaucoup l'univers de Melvis and the Jive Cats qui va diriger ça, qui va diriger l'ambiance, on peut dire. Et Mel, la Lancette, comment on le présente justement cet univers-là? J'imagine qu'il y a un lien fort avec le jive, le rockabilly, les années 50. Oui, ben c'est un univers qui est particulier, mais c'est un univers qui me touche beaucoup depuis plusieurs années. C'est vraiment un retour aux valeurs de base aussi, hein. Pour, je vais pas dire la femme à la maison dans les années 50, mais vraiment retour où on profite de la vie, la frivolité, le côté adolescent, la danse justement, la musique, la base, puis surtout le côté lover de la chose. Revenons au côté lover. Oui, en fait, une légèreté, une frivolité, d'une certaine façon, là-dedans aussi, comparativement à d'autres styles musicaux. On a quelque chose d'assez ouvert, d'assez facile d'accès, c'est facile de se perdre dans l'univers rockabilly. Ben, c'est le côté énergique aussi, mm-hmm. mais le public n'est pas le même du tout qu'un show de rock, là. Moi, j'aime les deux, je vais assister à toutes sortes de concerts, mais les gens qui vont voir du rockabilly ont toujours le sourire d'en face quand ils nous regardent, ils n'ont pas les bras croisés, ils ont tout le temps la tête ou le pied qui shake. Quand on a la chance de voir des bons danseurs performer devant nous autres, c'est même pas puis je suis très humble là-dedans, c'est même pas nous autres qui fait le show, c'est les danseurs. Les danseurs apportent une énergie qui est assez incroyable. Et est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi au dessin? Parce que la table, en fait, si je me rappelle, l'an dernier, était carrément sur la piste de danse aussi, donc vous étiez au dessin entouré de danseurs. Est-ce que ça vient aussi vous énergiser? Ben oui, si je me rappelle, je me souviens surtout en fait de Jean-François Bergeron de GF qui avait fait des dessins assez étonnants, assez extraordinaires, parce que justement très très vif, très vibrant, je dirais. J'avais trouvé que ça, particulièrement dans ce cas-ci, ça lui avait apporté beaucoup. Moi aussi, c'est que je commence à être un peu habitué, mais j'étais peut-être un peu stressé parce que je suis un peu organisateur aussi. Donc là, cette année, je pense que je vais plus me laisser aller, mais et justement me laisser imprégner par toute cette énergie-là de danse et de musique. Oui, puis par l'univers visuel aussi qui accompagne le rockabilly, qui accompagne cet esprit-là. Parce que Mel, j'ai l'impression qu'au-delà de la musique, c'est aussi une mode, c'est un style de vie pour certains aussi. C'est l'iconographie aussi qui est rattachée à ça beaucoup, mais c'est en partie aussi une question de mode. Et on est vraiment là-dedans, parce que j'ai l'impression que, je veux dire, on voit pulluler un retour au niveau vestimentaire, en fait, beaucoup de boutiques à Québec. Au niveau musical, je pense à chaque semaine, il y a des soirées un peu de type rockabilly. Présentement, on est vraiment chanceux sur la scène de Québec, parce que la scène rockabilly, oui, elle existe vraiment, là. Il y a vraiment une effervescence en ce moment. T'sais, on est rendu avec 3 ou 4 écoles de danse. Il y a beaucoup d'événements, facilement 1 à 2 par semaine. Il y a des événements où on peut aller danser simplement, puis il y a des événements où on peut aller voir de la musique. Donc, tu sais, il y a Québec City Rockabilly qui organise beaucoup de choses. Dans le fond, on peut nous suivre aussi sur la page de Melvis and the Jive Cats. Donc, c'est à peu près comme ça revient souvent dans le fond. Là. La communauté est de plus en plus forte, là, je trouve. Là, oui, on est rendu comme une petite famille. Oui, puis même quand tu regardes, je suis allé à des événements à Montréal aussi, puis là-bas aussi c'est très fort, mais à Québec aussi ça se développe. Depuis peut-être un an ou deux, là, je trouve que c'est de plus en plus fort. Oui, puis à Québec, on essaie vraiment comme de bâtir quelque chose qui est comme friendly. On peut-tu s'aider, justement, se rassembler dans des événements, dans de la danse, dans des belles soirées, puis avoir du fun, comme on dit. Et en même temps, j'ai l'impression, quand justement on parle de rockabilly, on a l'idée au départ, bon, Elvis, Jerry Lee Lewis, les éléments qui ont beaucoup joué, mais quand on plonge un peu dans cet univers-là, on découvre qu'il y a quand même beaucoup aussi de monde, il y a beaucoup de compositeurs qu'on connaît relativement peu parce que, au bout du compte, les ondes radio sont concentrées sur beaucoup de gens, puis qu'on oublie les Wanda Jackson, les Janis Martin et d'autres. Exactement. Les femmes ont été un peu oubliées de la scène rockabilly, mais c'est surtout parce que le milieu à ce moment-là était beaucoup une industrie qui était très masculine. Plus tard, on a eu comme l'époque des girl groups, mais à ce moment-là, il fallait comme que justement Janis Martin, on l'a appelée The Female Elvis, à cause qu'elle avait besoin d'une approbation masculine en lien avec sa sortie de CD. Fait qu'elle a pris des photos avec Elvis et ensuite, là, elle a été approuvée, elle a pu sortir son album, puis l'album a été reconnu. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, il y a beaucoup de trucs dans le rockabilly qui est underground, qui est bien fait. Faut juste chercher un peu comme dans n'importe quel style de musique. Oui, puis au bout du compte, on en fait des spectacles comme ça, comme La Fièvre, pour ceux qui connaissent pas le milieu, mais ça peut devenir justement une belle porte d'entrée pour voir l'énergie, pour voir la dynamique, l'esprit, etc. Oui, c'est parfait. C'est que vous dansez ou que vous dansez pas, c'est le genre d'événement qui est parfait pour justement s'initier à ce genre de musique-là ou pour mettre son deuxième pas dans la porte, comme on dit. Là. Il va y avoir une initiation qui va être donnée par l'école de danse Porto Swing. Donc, si on veut participer ou pas, ou juste regarder. Des fois, on est curieux, mais après ça, après deux, trois événements qu'on y va, là, il y en a une couple qui finissent par faire l'initiation puis par faire quelques pas. Oui, puis avec tout, si je me fais l'année dernière, avec tout ce qui est offert avec justement la Porto Swing qui vient offrir beaucoup de prestations, la musique, le band aussi qui a un côté visuel assez fort, puis le dessin, ça donnait vraiment, c'est comme une genre de tonne de briques là, de événementiel là, de rockabilly, donc ben il y a pas beaucoup d'événements de genre qui se font, non là. C'est ça. Fait que, tu sais, ça va vraiment donner un gros coup, là. Puis au niveau musical, ça va être autant, dans le fond, des compositions originales de Melvis and the Jive Cats que des standards? Oui, exactement. Mais on a essayé de varier beaucoup le contenu parce qu'il va y avoir différents types de danse. Donc, il va y avoir du rockabilly, il va y avoir du swing, il va y avoir des compositions, justement, de Melvis and the Jive Cats qui vont être chorégraphiées. Et il va y avoir un peu de blues. Donc, on va voir un peu de jive, un peu de lindy. Vous allez tout connaître ça, là. Et au niveau du dessin, Francis Dernet, tu dessines avec Bach et avec Nicolas Kéremidas. Ouais. Un défi particulier à attaquer ça à six mains? Oui, c'est toujours un défi, surtout que là, on va raconter une histoire. Fait que ça va être de voir comment que les autres font évoluer l'histoire, comment nous, on peut la récupérer, l'amener sur d'autres chemins sans pour autant perdre le fil. Oui, c'est toujours un exercice qui est périlleux, surtout que là, on est devant du monde. Donc, on pourra pas y réfléchir. Il faut être très instinctif. Fait que ça va être un beau défi. Un beau défi, une belle expérience pour le public. Je le rappelle, c'est le vendredi 10 avril dans le cadre du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, La Fièvre des planches 2, Swing and Love. Mel Lalancette de Melvis and the Jive Cats, Francis Dernet, merci à vous deux. Merci. Et on se laisse justement avec un peu de musique, un petit extrait justement de l'album de Melvix and the Jive Cats, l'album Mr. Jive. On écoute la pièce Back to the 50s ici sur les ondes du 89.1 CKRL. I wanna go back to the 50s. Well, life is easy. Take a ride in Cadillac and have a party. A rock pop kissing baby. Wanda is a queen. Yeah. kick your ass. Et voilà, c'était Back to the 50s, Melvis and the Jive Cats, ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Vous êtes à l'écoute de La Vie en BD. Et on poursuit notre regard sur le volet événement du Festival 2015. Et autre événement dont on voulait vous parler, c'est le Comptabule. C'est la deuxième édition également où l'événement est présenté dans le cadre du Festival. Cette fois-ci, c'est dimanche après-midi, donc 13h, au Musée national des beaux-arts du Québec. Et pour nous en parler, pour nous présenter ce spectacle, on est en compagnie de la conteuse Yolaine. Bonjour. Bonjour. Alors, Yolaine, tu vas être sur scène avec Todd Picard, avec le dessinateur Nicobi, Todd Picard à la musique. Et de ton côté, autant que du côté de Todd, d'ailleurs, c'est votre deuxième expérience de conte à bulles. Alors d'emblée, est-ce que c'est différent de conter avec dessin et musique que de conter sans l'accompagnement visuel? Oui, c'est sûr. C'est complètement différent parce qu'en fait, le conte, surtout, c'est le cinéma des pauvres, comme on dit. Donc, les gens se font leurs propres images d'habitude. On est là juste pour suggérer, pour susciter des images, pour proposer l'histoire et ensuite les gens font du cinéma qui va avec. Alors quand le BDiste entre en scène en même temps que le conte, ça permet de mettre d'autres images, mais finalement d'en suggérer des très claires et ça donne une autre relation totalement au conte. Et justement, est-ce que ça amène aussi une approche différente par rapport à la composition? Est-ce que, j'imagine, en fait, tu pars de contes que tu as déjà créés, mais est-ce que ça nécessite une recréation, d'enlever des segments, d'en rajouter d'autres? C'est peut-être pas d'enlever ou de rajouter des segments, mais de laisser la place. En fait, de la façon qu'on a expérimenté ça l'an dernier, c'était surtout qu'on se disait, finalement, le conte devient à trois voix. Alors moi, je vais en faire une partie, mais c'est sûr que le dessinateur et le musicien vont avoir aussi leur moment où je me tais. C'est ce qu'on a découvert qui était le plus efficace, en fait, parce que si on essaye de faire tout en même temps, c'est comme si on surchargeait la scène. Alors, on se prête un peu le microphone, même si les autres ne parlent pas et s'expriment différemment, et ça donne une nouvelle façon de le regarder, une nouvelle façon de le vivre. Oui, parce que j'imagine, en fait, je prends un exemple un peu au pif, là, mais si un loup qui entre en scène dans l'histoire, ben j'imagine dans le, entre guillemets, le cinéma du pauvre, comme tu disais tout à l'heure, on le décrit, il y avait des griffes, il était grand, etc. Sinon, mais tu peux simplement dire, il y a un loup qui entre en scène, tu laisses parler le dessin, puis on n'a pas besoin de le décrire au bout du compte. T'sais. Ben tout à fait, et surtout si jamais je le décris, mais je décris pas la même chose que le dessinateur, ça risque de créer un conflit dans la tête des gens, dans leur imagination. Alors vaut mieux laisser les descriptions au dessinateur, justement. Ce serait peut-être, dans le fond, oui, il y a peut-être des choses, j'y avais pas pensé, il y a peut-être des choses qu'on enlève finalement. Il y a peut-être des détails qu'on ne dit pas, puisque le dessin va prendre la relève pour le faire. Oui, puis en même temps, le dessin, j'imagine, qui sert aussi d'accélérateur pour plonger dans ton imaginaire, donc il vient ajouter à la possibilité que les gens ont de vraiment voir les images que tu nous proposes par ta verve, dans le fond. Oui, mais ils ont la possibilité de les voir, ils ont la possibilité aussi de voir le reste, parce que c'est sûr qu'on va pas tout dessiner, comme on ne dirait pas tout de toute façon, et puis ça laisse la place aussi à compléter les images, et ça laisse la place à compléter les sons, et des fois, on peut se laisser porter par la musique, et c'est surtout le dessin qui va se faire habiller de musique, le conte va se faire habiller de musique, mais on va s'échanger ça, comme je disais tantôt, jusqu'à temps que ça donne un tout. Et c'est ça qui est le défi, en fait, c'est de pas embarquer les uns par-dessus les autres, de pas essayer de faire de trop en faire, en fait. Faut laisser aussi la place. Dans le fond, je dis que c'est à trois voix, mais c'est à quatre. Faut laisser un peu de place au public aussi. Oui, pour absorber l'ensemble. Voilà. Et à travers ça, en fait, si on essaie de cadrer un peu, parce que c'est un peu toi la chef d'orchestre de ça, dans la mesure où c'est ton univers qui va être illustré musicalement et visuellement. Donc c'est toi un peu la pierre d'assise de ce Comptabule-là. Et ton univers, si on avait à le présenter, tu fais un peu le pont entre le folklore traditionnel et le folklore contemporain? Un peu quand même, mais c'est sûr que là, cette fois-ci, j'ai choisi un conte avec des animaux, dans le fond, un remaniement d'un conte traditionnel africain. Quand j'étais allée à un festival au Togo, il y avait un conteur du Burkina Faso qui était invité lui aussi, qui m'avait confié un conte en disant « Refais-le avec des animaux de chez toi ». Alors, j'ai refait le conte et c'est sûr que ça peut ressembler à un conte amérindien puisqu'on tombe dans un univers où, avant que les humains soient là, les animaux, donc les relations qu'ils ont entre eux, mais ça reste contemporain parce que les animaux, moi, je leur donne des actions que je lis à maintenant. Je fais les liens avec maintenant. Donc, l'ours va avoir une oursonne et l'oursonne, quand elle devient une pré-ado, elle veut faire un party. Donc, moi, je m'en vais, j'étire vers le contemporain avec des univers traditionnels parce que ça permet aux gens de se reconnaître aussi dans le conte plus facilement. Oui, puis ça évite, en fait, j'ai l'impression aussi d'amener le traditionnel à stagner, à se ghettoiser dans une période, alors que, je veux dire, les traditions se bâtissent au rythme de l'évolution des sociétés aussi. Oui, tout à fait. C'est pas pour rien qu'on appelle ça du patrimoine vivant. C'est parce que ça vit encore, c'est parce que ça évolue. Puis effectivement, que les gens, en fait, peuvent poursuivre, finalement, peuvent le garder vivant en poursuivant les histoires puis en les adaptant. Et à travers ça aussi, évidemment, on est dans un contexte où j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de curiosité de la part du public envers le conte, que le milieu du conte soit essaie de dynamiser au fil peut-être de la dernière décennie, si on se donne un peu de temps, ou sinon on est plus réceptif au dynamisme de cette communauté-là, je sais pas. C'est peut-être un savant mélange des deux. En tout cas, c'est sûr que le conte, avant, c'était pas un mode spectacle. Le fait de le mettre en scène, de le mettre sur scène, évidemment que ça prend peut-être un peu de temps, parce qu'en fait, le conte en scène a commencé dans les années 80. Avant, c'était quelque chose de plus familial, ou de réunion de village, ou de chantier, ou c'est l'ancienne télé, l'ancienne radio. Alors maintenant qu'on le met en scène, c'est sûr que le mode est différent, la manière est différente. On veut que ça parle aux gens, et peut-être que ça a pris un peu de temps parce que c'est de remettre le conte à l'avant en le mettant en scène. Ça a beau être une innovation, c'est quand même à contre-courant de ce qui se passe maintenant. Et ce que je trouve intéressant, c'est autant quand on regarde un peu l'univers du conte, qu'on explore un peu l'univers des conteurs, mais comme je le fais un peu avec les amis imaginaires aussi, en fait, on a une variété d'expressions, évidemment. Puis ensuite, il y a une certaine adaptabilité du conte où on peut y aller justement avec des trucs très de base, une personne assise sur une chaise devant un groupe de gens, puis on a là suffisamment d'éléments pour le conte, mais on peut aussi développer des concepts comme le conte à bulles. T'as fait des contes à déguster aussi avec de la bouffe, donc on peut l'éclater aussi de différentes manières. Exactement, puis je pense que c'est très joyeux de le faire, c'est très stimulant de le faire, mais je pense aussi que ça fait partie de l'évolution dont le conte a besoin pour aller chercher des nouveaux publics, pour que les gens le redécouvrent finalement, parce qu'il reste qu'il y a énormément de préjugés autour du conte. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est strictement pour les enfants. Il y en a d'autres qui pensent que ça va être plate, justement, parce qu'on est rendu habitué au multimédia, à regarder plein d'affaires en même temps, à des choses qui vont beaucoup plus vite. Alors, c'est l'art de ramener ça à prendre le temps d'écouter, prendre le temps de dire et prendre le temps d'imaginer. Et ça, on a l'avantage du dessin là-dessus, parce que le dessin est obligé de prendre son temps. Exact. Donc, nécessairement, quand on va là, on le sait aussi, on s'y attend, parce que c'est un art qui peut se faire rapidement, mais encore là, on peut pas faire un dessin viable en bas d'une minute, 32 minutes, oui. qu'on le veuille ou non. Là, voilà. C'est sûr aussi que ça reste, ça fait partie du défi à un moment donné aussi de s'échanger la voix, mais de ne pas tout le temps être un après l'autre. Des fois, il y a des choses qui se passent en même temps. Et je choisis maintenant mieux, avec l'expérience des contes à bulles, parce que c'est la deuxième fois qu'on le fait dans le festival de bande dessinée, mais on en avait fait avant aussi dans d'autres expériences. Et le fait de laisser le temps au dessin, mais aussi d'en faire en même temps, au début, je comprenais pas pourquoi je perdais le contact avec le public, mais en fait, c'est qu'il faut bien choisir son moment pour leur parler, parce qu'ils vont plonger dans le dessin comme ils plongent dans le conte. Et j'imagine que dans le contexte de la collaboration, tu parlais d'expérience aussi, le dessinateur cette année, c'est Nicobi, qui vient de Saint-Malo, qui a travaillé sur des contes à bulles. Donc, j'imagine que lui aussi va arriver ou est arrivé déjà avec un certain bagage aussi de ce qu'il a essayé, qui marchait moins, qui marchait mieux. Sûrement qu'en fait, on va encore découvrir, apprendre des choses en travaillant avec Nicobi. Quand on l'avait fait avec Philippe Girard l'année passée, on avait aussi découvert différentes choses, parce que ça dépend de ce que les trois apportent comme bagage, comme vision de la chose, comme envie aussi d'une certaine manière de travailler, de collaborer ensemble. Et à chaque fois, c'est une nouvelle expérience qui est très instructive. Et donc, on va être, on le rappelle, dans un univers animalier, dans un univers contemporain et folklorique en même temps, dans un conte qui est destiné au plus large public? Oui, Oui, tout à fait. En fait, le but, en faisant des comptes l'après-midi aussi, c'est de trouver le moyen de s'adresser un peu à tout le monde, parce qu'à ce moment-là, on se ramasse avec des gens dans la salle qui ont un peu tous les âges, et faut en garder un petit peu pour chacun. Faut donc aller chercher ce qui fait plaisir aux enfants, mais les clins d'œil aux adultes aussi sont importants. Un peu comme, dans le fond, l'idée, c'est d'avoir dans son répertoire, un peu comme conteuse, dans le fond, t'es appelée à compter dans différents contextes, donc autant t'as tes comptes adultes, autant t'as tes comptes famille, tout public, autant t'as des comptes enfants, ou sinon, oui. On se spécialise. Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est sûr que si on se spécialise, on risque de se couper de différentes expériences. Ça prend un certain temps, bâtir un répertoire, bâtir une expérience aussi avec chacun des publics, mais aussi avec le public comme ça, le grand public qui est à plusieurs âges à la fois, où là, on va explorer à chaque fois différentes manières de s'adresser à lui. Puis ça peut jamais être pareil. Puis c'est ça qui est fascinant avec le conte. C'est que dépendamment de qui est dans la salle, ça influence le conte, ça influence la manière de le dire, et ça reste quelque chose justement qui est très vivant pour ça aussi, parce qu'il faut être très attentif. Il faut être très attentif à nos collaborateurs sur scène, il faut être très attentif à nos collaborateurs dans la salle, parce que ce sont aussi nos collaborateurs. Oui, ça servait à ce que tu disais, dans le fond, vous êtes quatre à compter. Voilà. Au bout du compte aussi, puis c'est vraiment lancé en dialogue entre les artistes, entre la conteuse et le public, puis où l'idée, c'est de se faire un beau cocon pendant une heure et quart, puis voilà. De profiter de cet instant-là. C'est ça. Et on invite les gens, évidemment, à le vivre cet instant, donc à 13h, dimanche le 12 avril. C'est au Musée national des beaux-arts du Québec, et un peu comme la Fièvre des planches tantôt, donc c'est des spectacles gratuits, entrée libre, donc on n'a pas d'excuses pour ne pas s'y rendre. Voilà. Mais Yolaine, merci beaucoup. Merci aussi. Et nous, on prend une courte pause ici à CKRL. À venir, on parle de paroles de planche et on parle d'Emmanuel Lepage. Le 16 avril, au Cercle de Québec, ne manquez pas la première du spectacle Les Magiciens de Claude Bégin. Le temps qu'on sera magique, juste en profiter pour dépasser l'illusionniste. Accompagné de ses musiciens, la révélation de la pop au Québec présentera les pièces de son premier album dans le cadre de cette soirée qui s'annonce déjà survoltée. Le silence, toujours imparfait, se cache dans tes jouets. C'est un rendez-vous le 16 avril au Cercle de Québec avec Claude Bégin. L'album Les Magiciens, disponible en magasin et en ligne dès maintenant. Un jour le ciel va tomber sur vos têtes. Que vous réfléchissiez avec Dany Laferrière. Que vous vous indigniez avec Denise Bombardier. Que vous enquêtiez avec Christine Brouillette. Ou que vous trembliez avec Maxime Chattam. Les mots de vos auteurs préférés vous portent et vous transportent. Venez les rencontrer au Salon international du Livre de Québec, sous la présidence de Bernard Pivot, du 8 au 12 avril au Centre des congrès de Québec. Salon international du Livre de Québec, première ovation art littéraire invite les auteurs âgés de 18 à 35 ans à un 5 à 7 de réseautage le vendredi 10 avril. Lors de cette activité unique, vous aurez la chance de discuter avec 20 écrivains, artistes et artisans reconnus du milieu du livre québécois. Découvrez tous les détails à premièreovation.com. Seulement 20 places disponibles au cours. Du 8 au 12 avril, le 28e Festival de la BD francophone de Québec vous invite à une foule d'activités de rencontres. Spectacles, expositions, impro BD, animations et dessins en direct. Venez rencontrer près de 120 auteurs du Québec et d'ailleurs. Découvrez toute la programmation au fbdfq.com. Le 28e Festival de la BD francophone de Québec, le 9e art pour tous les goûts. Se déplacer en autobus de Beauport vers le centre-ville. Jouer dans la neige dans son arrière-cour à Charlebourg. Faire le grand ménage du printemps dans son appartement du Vieux-Port. Raconter sa ville au fil de ses souvenirs, de ses quartiers. Voilà le défi donné à 11 BDistes pour l'exposition Histoire de quartier. Découvrir leur regard croisé sur Québec au fil de 11 histoires originales du 1er au 11 avril 2015 à l'espace Galerie Sherpa, 130 boulevard Charest. Entrée libre. Histoire de quartier, 11 visions sur la capitale et ceux qui y habitent, présenté dans le cadre du Festival de la BD francophone de Québec, en collaboration avec Première Ovation et CKRL. En avril, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 1er avril, voyez les aventuriers voyageurs de Montréal à Rio. Le 12 avril, le programme Kino Québec. Les 12 et 15 avril, l'Opéra de Paris présente Don Giovanni. Ce printemps, venez découvrir notre nouvel espace lounge, maintenant ouvert dans les aires du cinéma Le Clap. Découvrez aussi notre nouveau magazine électronique gratuit, disponible dès maintenant dans l'App Store de votre iPad. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Rendez-vous pour la deuxième édition des Nuits psychédéliques de Québec, les 9, 10 et 11 avril 2015. The Fleshtones, The Besnard Lakes, Organ Mood, Dub Throne. Le psychédélisme en musique et en images, avec 15 groupes sur 3 jours dans 2 espaces immersifs et unicités. Bien en vente sur lepointdevente.com. Rendez-vous à la salle de spectacle Le Cercle les 9, 10 et 11 avril. Le Radiothon de CKRL fut un franc succès grâce à vous et à la collaboration de nos partenaires gouvernementaux suivants. Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sam Ahmad, la députée de Taschereau, Mme Agnès Maltais, le député fédéral de Beauport-Limoilou, M. Raymond Côté, et le député de Jean-Lesage, M. André Drolet. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. Vous êtes toujours sur les ondes du 89.1 CKRL, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 et toujours donc cette semaine un regard sur le volet événement du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Et prochain événement sur lequel on attire votre attention, ben c'est Paroles de planche qui est présenté jeudi 9 avril 20h au Théâtre Petit Champlain. Et pour nous en parler, ben l'un des organisateurs de l'événement qui participe également comme comédien, Jean-Philippe Bergeron, bonjour. Bonjour. Alors ben d'emblée, qu'est-ce que c'est Paroles de planche? Paroles de planche, c'est 8 extraits BD qu'on met en lecture. Donc, on a rassemblé une équipe, 3 acteurs du Québec, 3 acteurs de France, puis ensemble, en fait, on monte 3 extraits à Québec, 3 extraits en France, puis ensemble, on va monter 2 extraits, donc, en mise en lecture, donc sur scène, pour mettre en valeur les textes de nos bandes dessinées de la francophonie. Et justement, pourquoi avoir choisi de porter les textes, de mettre en lecture des textes BD? Qu'est-ce qui vous a lancé vers cette piste-là? Ben nous, en fait, ça va être notre 3e édition là, que nous, les scénaristes de Bulle, Damien et moi, qu'on participe au Festival de la BD francophone de Québec, puis on voyait toutes ces têtes d'affiches des festivals, les illustrateurs, en fait, tous les têtes d'affiche du monde de la BD, mais c'est des dessinateurs souvent qu'on met de l'avant, bon, avec le dessin et tout. Puis, on reconnaissait pas de visage, de scénariste. C'est sûr qu'on était nouveau aussi dans le milieu, mais on avait comme ce besoin, en fait, de revendiquer la valeur des textes des BD aussi. En plus, pour compléter cette offre de valeur d'art visuel qu'il y avait déjà dans le monde de la bande dessinée, puis aussi peut-être à cause de mon passé dans le théâtre, là, j'ai toujours eu accordé beaucoup d'importance aux histoires, aux récits, donc c'est ce qui nous a poussé, ce qui m'a poussé en fait à rencontrer Tony Curien qui participe à ce projet-là, donc de Lyon. Puis j'ai proposé l'idée de monter 8 extraits BD, puis pour mettre en valeur la force des scénarios, là, des extraits qu'on a choisis. Et en même temps, en fait, la bande dessinée reste évidemment intimement liée entre dessin et littérature, au bout du compte. Est-ce qu'en enlevant un des deux, on se retrouve avec autre chose que la bande dessinée? Ben, en fait, c'est vraiment un alliage entre les deux. Oui, le dessin, puis la narration. Mais là, le pari qu'on fait, c'est que la BD revendique son côté littéraire, bon, son côté que c'est un livre comme eux autres, que qu'on peut aborder la lecture par la BD, tout ça. Donc, on se disait qu'en mettant l'accent sur le scénario, en évacuant le dessin, ben on fait le pari que le spectateur va trouver son plaisir. C'est sûr qu'il y a tout un univers sonore qu'on a construit autour de ça. Il y a Nicolas Jobin qui va faire la musique pour l'équipe québécoise, Julien Limon pour l'équipe française, puis il va y avoir tout aussi une rencontre qui va se faire avec les 6 comédiens, les deux musiciens dans les 2 extraits communs. Donc, on fait l'hiver nucléaire, on fait les cousines vampires, on fait Paul à Québec, Bulle, les nombris, les dormants pour les BD françaises, Boule et Bill aussi qui prépare l'équipe française, puis Lincoln. Donc ça va être vraiment assez éclaté. On va passer de la mise en lecture très solennelle, un peu comme on connaît au Festival du Jamais Lu, tout ça, derrière le lutrin, tout ça. Puis après, on va éclater un peu plus la forme au fur et à mesure que le spectacle va avancer. Et j'imagine que dans le choix des extraits, il fallait trouver des choses qui se disent et qui ont peut-être un peu moins besoin du dessin pour se saisir en termes d'action, en termes d'émotion, etc. C'était tout un travail de texte, un travail de table qu'on a fait au début, parce qu'effectivement, dans la BD, c'est ça la beauté aussi. Il y a des blagues, il y a des situations qui sont plus compréhensibles. sensible avec le dessin que la blague est dans le dessin. Fait que là, il fallait tout un travail de réécriture, d'adaptation, en tout cas d'adaptation scénique. Un travail qui a été fait en collaboration avec l'accord de tous les auteurs. Donc, j'ai contacté Delaf Dubuc, Michel Rabagliati, Caroline Baud, Diver Nucléaire, puis Alexandre Fontaine-Rousseau, des Cousines Vampires. Je leur ai proposé ma version, en fait, mon adaptation scénique. Du côté français aussi, on travaille avec les auteurs. Donc, c'est vraiment là un beau travail qu'on a fait pour adapter le texte. Mais le travail d'adaptation, c'est quand même très bien fait, puis ça a été plutôt simple au final, ouais. Est-ce que pour les nombreux, on est parti aussi un peu de l'adaptation théâtrale qui était déjà disponible? Voilà, quand j'ai contacté Maryse, bien, à moi tout de suite, j'avais entendu parler qu'il y avait l'adaptation théâtrale de Jocelyn Roy qui avait été fait. Elle me l'a tout de suite envoyé sans problème. Donc, j'ai travaillé à partir de ça, ce qui fait que ça facilitait beaucoup la tâche, parce que les nombreux, si j'avais pas eu ce texte-là, j'avoue que le travail aurait été assez ardu. Mais là, avec la version de Jocelyn Roy, c'était parfait. Parce que j'imagine c'est un peu le même défi avec Boule et Bill, où dans le fond, on a des chutes qui sont très visuelles. Donc, comment les rendre que verbalement, que par le texte? Là, Boule et Bill, j'ai bien hâte de voir. En fait, l'équipe française arrive lundi. Donc, on a super hâte, parce que là, nous, on va monter nos deux extraits ensemble lundi. Puis eux, ils ont donc monté Boule et Bill de leur côté. Puis tout au long du processus, Tony disait, je sais plus, Boule et Bill, ils trouvaient ça compliqué. Finalement, ils ont trouvé une façon de le faire. Paraît que ça fonctionne très, très bien. Puis moi, je vais le voir pour la première fois lundi prochain. Donc, j'ai hâte. Et la réaction des auteurs, est-ce que c'était surprise un peu? Comment ils ont réagi quand vous les avez sollicités? Caroline Brault, d'Hiver Nucléaire, c'était comme un peu un fantasme qui se réalisait pour elle. D'après ce que j'ai compris, elle a super hâte. Alexandre, des Cousines Vampires. Je sais qu'il avait fait une petite lecture à Montréal, bien intime, lors du lancement du livre, je crois. Donc là, le fait que ce soit des comédiens professionnels, je trouvais ça intéressant aussi. Puis tous les dessinateurs, parce qu'on va avoir des dessins de la BD qui vont être projetés sur un écran derrière. Donc on a aussi la collaboration des dessinateurs. On a reçu des images pour appuyer un peu la lecture. C'est pour compléter l'aspect narratif, parce qu'à un moment donné, on peut compléter, on peut adapter, mais il faut avoir des fois un petit coup de pouce. C'est surtout pour des repères, pour présenter, puis pour avoir des repères aussi, parce qu'on parle de bande dessinée, fait qu'on n'évacuera pas le concept bande dessinée. Mais je dois dire que avec la musique, avec les voix, ça fait comme un peu radio roman. La voix peut transmettre beaucoup de choses avec la musique. Le travail des musiciens est vraiment phénoménal. Nous, on a travaillé avec Nicolas. J'ai hâte de voir avec Julien la semaine prochaine. Mais Nicolas Jobin a fait un travail formidable sur tous les extraits. J'ai bien hâte que tout le monde voit ça jeudi prochain. Oui, en même temps, comme tu disais, ça reste des ambiances aussi assez variées. Je veux dire, sur les Cousines Vampires puis sur Paul à Québec, on est dans deux univers musicaux, dans deux univers narratifs bien différent à l'intérieur du genre BD. Ben voilà, les Cousines Vampires, là, on va être dans le film d'horreur de série B, là, on va avoir un peu de télémine là-dedans, puis des effets sonores assumés et exagérés, ça va être super, puis pas les Québec, mais c'est tout en douceur, puis en plus, on a eu la collaboration des producteurs du film pour la Québec, donc on va avoir des images exclusives du film qui va sortir en septembre prochain. Donc bon, non seulement la bande-annonce, tout le monde l'a connu, mais on a eu des extraits du film à présenter à notre public en primeur jeudi prochain. Un petit cadeau pour les gens qui vont aller y faire un tour. Et évidemment, côté Québec, les actrices avec lesquelles tu t'es associé, c'est des gens qui ont déjà pas mal de métiers. On parle de Lise Castonguay, on parle d'Anne-Élisabeth Bossé. Est-ce que leur collaboration, est-ce que leur manière de travail a donné un coup de pouce aussi justement au travail d'adaptation, au travail de transposition? Ben, travailler avec Lise Castonguay, pour commencer avec Lise, elle a 30 ans de métier derrière la cravate, Lise, donc on lui met un texte entre les mains, puis elle en fait déjà des merveilles après 3-4 minutes, donc c'était assuré un peu, là, parce que c'est sûr que le travail en collaboration avec la France, la rencontre, le travail de dernière minute la semaine prochaine, il me fallait des filles solides, fait qu'avec Lise, j'étais en toute confiance, puis ils ont beaucoup apporté aussi avec leur créativité, ça fait 30 ans qu'elle crée des personnages, donc elle comprend rapidement les psychés. Puis Anne-Élisabeth Bossé, c'est une fille polyvalente, une actrice polyvalente, versatile, qui est capable de se mettre dans la peau, puis très comique aussi, donc pour nos extraits, c'est très très très très très très fort pour nous là, d'avoir Anne-Élisabeth dans l'équipe. Et donc vous faites ça à Québec jeudi le 9 dans le cadre du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, en juin à Lyon BD. Oui. Et ben, en fait, ce sera l'occasion pour vous qu'on poursuive cette exploration-là. Donc, j'invite tout le monde, si il manque le spectacle du 9 avril, de venir nous voir à Lyon en juin. On n'a qu'à acheter le billet d'avion. C'est ça. Mais Jean-Philippe Bergeron, merci. Merci beaucoup, Renaud. Et merde pour jeudi prochain. Merci, bonne journée. Et ben nous, on s'en va maintenant en musique. Un autre spectacle, d'ailleurs, qui est à l'horaire, et on va écouter un petit extrait de l'univers musical de cette proposition-là. C'est Panorama qui est présenté le samedi 11 en après-midi, donc à 13h, au Musée de la Civilisation, qui va allier musique du monde et dessin en direct, donc à travers des paysages, des lieux, des endroits. Et on écoute un petit extrait de l'orchestre Rond la Boule pour vous mettre un peu en oreille la proposition de cet événement. Maman, la grève barre et moi. Maman, la grève barre et moi. Maman, la grève barre et moi. Monsieur Michel, pas les bas et de front. Maman, la grève barre et moi. Maman, la grève barre et moi. Oh, maman, la grève barre et moi. Monsieur Michel, pas les bas et de front. Ouais, monsieur Michel, pas les bas et de front. Et voilà, petit extrait de l'orchestre Rond la Boule en route vers leur performance au Festival de la bande dessinée francophone de Québec le samedi 11 à 13h au Musée de la Civilisation. Et autre événement, dernier événement sur lequel on attire votre attention, c'est le mercredi 8 avril à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. Les rendez-vous de la BD qui reçoivent Emmanuel Lepage. Et pour nous en parler, l'organisateur, l'animateur Michel Giguère, bonjour. Salut Raymond. Et d'emblée, le titre de cette rencontre, Emmanuel Lepage, La beauté du monde, un titre prometteur, mais comment l'expliques-tu? Ben, ça va être la salle, les gens qui vont être dans la salle. Non, sérieusement, première raison pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est son style en tant que dessinateur, en tant que coloriste. Un style consensuel, d'un réalisme élégant, avec des couleurs à l'aquarelle. C'est objectivement beau. Et deuxième raison, ben, il nous fait parcourir la planète, d'où l'allusion au monde. Il nous fait parcourir la planète tant par ses récits de fiction que par ses reportages. Il nous fait voir la beauté jusque dans le dénuement des îles de la désolation, jusque dans l'hostilité du désert antarctique, jusque dans la catastrophe de Tchernobyl. Faut le faire. Et justement, Michel, peut-être pour les auditeurs, auditrices qui ne le connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux décrire un peu son style, son esthétique? Ben, pour ces récits de fiction en premier lieu, il y a la douceur chatoyante de l'aquarelle, évidemment, la délicatesse du trait, la beauté de ses personnages, c'est de la poésie que je fais là, mais la sensualité latente qui affleure tout naturellement, même dans certains de ses décors, dans le traitement de la lumière. Alors, je qualifierais presque son style de féminin. On pourrait croire que ça a été réalisé par une femme. Je le connais pas. Mais je vais le rencontrer pour la première fois mercredi prochain. Mais ça m'étonnerait fort qu'Emmanuel Lepage soit pas un gars doux et délicat. Et si on faisait le risque de la comparaison, à qui on pourrait le référer? Ben, à René Follet, qui a une réputation immense dans la profession, mais qui s'est moins fait connaître du public par ses BD que par ses illustrations. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui le connaissent. Et puis surtout, son idole à Lepage, le grand illustrateur Pierre Joubert, qui a fait rêver les jeunes lecteurs des années 50, 60, 70, dont moi, notamment avec Signe de piste, avec les couvertures de Bob Moran, puis aussi dans la même collection Pocket Marabout, Les Compagnons de l'aventure. Alors, c'est lui qui faisait les couvertures de tout ça. Alors, Follet, Joubert, on va brièvement visiter leur œuvre sur écran mercredi soir. Et ça, c'est vraiment, en fait, j'ai l'impression que ce que tu nous présentes, c'est vraiment ancré dans le volet fiction, si on peut dire, de la production de Lepage. Si on avait à décrire de manière plus précise son volet documentaire... Ah ben là, il se détache de l'influence de Joubert qui est autrement manifeste, parce que là, il crée plus de séduisants personnages fictifs, mais il portraiture, oui je sais c'est affreux comme nom mais ça existe, il portraiture plutôt les gens qu'il côtoie dans ses voyages. Et c'est par ailleurs moins sensuel parce qu'il se prête à un véritable travail de reportage, donc il est appelé à représenter des navires, des machines, des instruments, des chenillettes, des îles désertes, des villes désertes, des banquises désertes. Alors tout ça est peut-être moins sexy, mais tout aussi captivant. Et pour finir sur l'aspect visuel de ces albums, outre que dans le tout dernier, La Lune est blanche en Antarctique, eh ben il y a des photos de son frère François qui sont intégrées à la trame du récit, eh ben disons qu'Emmanuel a développé un procédé en vertu duquel il représente les scènes narratives, que ce soit des rencontres, des dialogues, la visite d'un bateau, la visite d'un site ou des résumés d'événements historiques. Il fait ça en camaïeu, c'est-à-dire en valeur d'une seule couleur, par exemple sépia. Et le tout est agrémenté, complété par de grandes cases pleines couleurs qui sont ni plus ni moins que de magnifiques tableaux. Et Michel Giguère, tantôt tu disais que l'homme, justement, tu ne l'avais pas encore rencontré, que tu allais le rencontrer, le découvrir comme humain mercredi, mais que, évidemment, tu connais bien son œuvre. Et par quel album, en fait, toi, t'as fait ton entrée, justement, c'est quoi un peu l'évolution de ton expérience, au bout du compte, face à Emmanuel Lepage, face à son œuvre? Ben, c'est drôle, c'est un petit peu paradoxal, parce que je connais pas dans les faits, mais j'ai comme... l'impression de le connaître intérieurement. Ça a l'air un peu ésotérique, là, mais non seulement parce que je suis immergé depuis un mois dans sa production, mais aussi parce que il a à peu près le même âge que moi. Parce que tous les deux, enfants, on a trippé sur les illustrations de Joubert. Parce qu'à la lecture de ses albums documentaires, j'ai appris des détails sur ses goûts, tout ça, en musique, en lecture, qui sont aussi les miens. Ça fait que j'ai très hâte de le rencontrer, et pas seulement en tant que bédéiste. Mais bon, pour répondre vraiment à ta question, je l'ai découvert et tout de suite apprécié là, avec la série Névé, cet adolescent orphelin qui, d'album en album, d'Argentine en Irlande, au Népal, devient douloureusement un adulte. Dans la même veine dramatique et aussi exotique, il y a l'album La Terre sans mal, sur un scénario de la romancière Anne Sibran, un album que j'ai en tout point adoré. L'action se déroule dans la jungle amazonienne. C'est aussi le cas du diptyque Muchacho, qui est, entre autres, un formidable hommage à Joubert. On verra pourquoi mercredi. Et finalement, il a publié, côté fiction, aussi deux ovnis. Alex Clément est mort, qui est un huis clos éminemment théâtral en noir et blanc, donc qui tranche avec le reste de sa production. Et puis, Oh les filles, sur un scénario de sa propre épouse, Sophie Michel, qui est le touchant portrait de trois fillettes, trois amies de la maternelle jusqu'au début de l'âge adulte. Donc, de l'humour noir pour Alex Clément est mort, mais pour le reste, c'est nettement dramatique. Et parallèlement, en fait, sur ces reportages dessinés, j'imagine qu'il y a des petits parallèles à faire aussi avec les rencontres, les rendez-vous que tu as programmés. En fait, il y en a un l'automne dernier, il y en a un deuxième qui a été mis au programme de l'automne 2015, je crois, autour de la BD documentaire. Il y a la revue dessinée qui donne un peu aussi dans ce genre-là, qui se réimpose à nouveau, j'ai l'impression, dans la sphère de la BD. Peut-être pour nous plonger un peu aussi dans ce type de lecture-là, peux-tu nous présenter sommairement de quelle manière ça se présente pour toi, une bonne BD documentaire? Ben, d'abord, la bande dessinée documentaire, ça peut prendre plusieurs formes, parce que moi, personnellement, je l'envisage comme n'importe quel ouvrage documentaire. C'est une catégorie très générale, ça, qui comprend des biographies, des manuels pratiques, techniques ou didactiques, des analyses, des essais axés plutôt sur l'opinion, des récits personnels, des entretiens, de la vulgarisation scientifique. Tu sais, le spectre est très large. Et tout ça existe sous forme de BD. Et puis, avec un naturel propre à confondre les sceptiques, hein, si on se demande comment on peut parler de sujets comme ça en bande dessinée, ça se fait très bien. Sauf que les genres qu'on rencontre le plus sont encore les témoignages personnels, d'une part, et les récits de voyage, d'autre part. Et dans le cas de Lepage, la frontière est floue entre les deux, parce que d'une part, il est mandaté pour livrer un reportage par des organismes qui l'envoient en voyage, mais il apporte tellement de réflexions personnelles, voire même intimes, que ça finit par déborder du strict compte-rendu pour s'enrichir d'humanité, de psychologie. Donc, on entend moins la voix d'un reporter que celle d'un témoin, d'un auteur au plein sens du terme, là. Et cela dit, Lepage procède quand même un véritable travail de documentation, de prise d'information, d'exploration du sujet. D'ailleurs, il pourrait dessiner d'après photo, mais lui préfère dessiner sur place, son carnet sous le bras, même par des froids polaires. Et le résultat est saisissant. Il faut voir ça sur grand écran. Et on aura l'occasion de le faire donc à deux occasions d'ailleurs, donc à ce rendez-vous de la BD du mercredi 8 avril, donc dès 19h à la salle Gérard Martin, donc au deuxième étage de la bibliothèque Gabriel-Leroy, Emmanuel Lepage, La beauté du monde. L'entrée est libre évidemment. Et autre événement, le samedi 11 avril à 14h30 au Musée de la civilisation, dans une formule un peu inspirée du concept des grands explorateurs, où Michel Giguère agira d'ailleurs comme hôte et où il sera essentiellement question du voyage de Lepage en Antarctique, donc la conférence s'intitule « L'Antarctique » d'Emmanuel Lepage. Michel Giguère, ben on se dit ben, à deux fois la semaine prochaine. J'espère bien, je vous y attends tous. Excellent. Bon festival. Ciao, merci. Alors voilà, nous, c'est ainsi qu'on termine l'édition d'aujourd'hui de La vie en BD. On se dit ben, à la semaine prochaine au festival, évidemment, donc que ce soit lors de l'émission ou dans d'autres activités. Je vous souhaite d'ici là une très bonne semaine et une très bonne soirée sur les ondes du 89.1. CKRL, c'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir, évidemment.